dans les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha précisent bien que le Conseil supérieur de la magistrature, qui doit garantir l'indépendance des magistrats, devrait être indépendant du pouvoir exécutif, que le pouvoir exécutif devrait être dégagé dans la nomination, dans la mise en place du Conseil de la magistrature pour qu'il relève des magistrats eux-mêmes. Cela n'a pas été accouché dans la Constitution, d'où des interprétations multiples. Ce qui doit être fait, c'est de répondre positivement aux négociations d'Arusha, qui n'est pas un Arusha 2, mais une lecture de Arusha 1 avec l'aide des médiateurs. Toujours en page politique, Gabriel Banzaoui Tondé, le nouveau président du parti APDR depuis ce dimanche. Il a été élu par acclamation lors d'un congrès extraordinaire tenu ce dimanche. Il remplace Aimable Bakundu Kizé, selon sous les verrous à Mimba depuis le mois d'avril de l'année en cours. Il est poursuivi pour outrage envers le premier vice-président de la République. Évariste Nzikobanyanga nous en dit plus. C'est le congrès extraordinaire de ce dimanche qui a mis à la tête du parti APDR Gabriel Banzaoui Tondé par acclamation. Un congrès émaillé par mésentente entre l'ex-vice-président et l'ex-secrétaire général qui tous voulaient se faire élire à la présidence du son parti. Le code électoral comme présenté stipulait qu'au cas où il se présentait un seul candidat, l'élection devrait se passer par acclamation. Qu'au cas contraire, l'on devrait procéder par scrutin. Deux candidatures en lice, ce qui a poussé Fabien Diokougaïo, l'ex-vice-président, de craquer la porte. Ses proches nous ont révélé qu'il s'était convenu que la candidature à la présidence devrait être unique. Gabriel Banzaoui Tondé a profité de la chaise vide pour se faire élire par acclamation. Il explique que la loi a été respectée. Alors, notre statut et notre règlement de l'intérieur prévoit ce genre de choses. Une fois dans la direction, si une personne boycotte, directement les élections continuent. C'est pourquoi quand j'étais ici, vous voyez que les élections ont bien poursuivi. Je dis qu'il n'y a pas de mésentente, c'est tout simplement une personne qui n'a pas bien jugé ma candidature et a préféré sortir. Le nouveau président de l'APDR a de l'espoir que le ministre de l'Intérieur va sortir une prise d'acte par rapport aux décisions du dit congrès extraordinaire. Cela étant, Fabien Diokougaïo, qui voulait se faire élire, a déclaré qu'il n'y a pas eu d'élection. Parmi les invités dans ce congrès extraordinaire figure Tite Boutchoumi, président du parti MSD Inhinzo. Il trouve que l'élection du nouveau président du parti APDR n'a violé aucune loi. Il recommande cependant à celui qui est lésé de recourir aux institutions qui trancheraient ce différend. S'il y a une partie lésée, c'est simple. Le Burundi, quand même, il y a les institutions. Ils puissent quand même aller se plaindre au sein du ministère de l'Intérieur qui organise les partis politiques. Et à ce moment, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous avons vu, c'est que le congrès a eu lieu en bonne et due forme. La responsabilité revient à qui ? La responsabilité revient à celui qu'on a acclamé, que l'Assemblée générale ou bien le congrès, les congressistes ont acclamé. À ce moment, c'est celui qu'on a accepté. Pensez Gabriel, on a acclamé, on a accepté. Vous avez vu même toute l'Assemblée. Ils ont accepté. Gabriel Banzaoui Tondé remplace Aimable Bakundu Kizé, absent il y a plus de 6 mois. Il croupit à la prison centrale de Mimba. Il est poursuivi pour avoir lancé des mots diffamatoires à l'endroit du premier vice-président de la République, Gaston Sidim. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En page de sécurité, une personne a été tuée la nuit de ce samedi en commune Mugamba de la province Bururi. C'était lors d'une attaque à main armée menée contre un ménage à Nyagasasa. Les auteurs de ce crime ne sont pas encore connus. Le gouverneur de Bururi appelle la population de sa province de redoubler d'efforts. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains des habitants de Mugendo Ruko, confirmées par la police, indiquent que le ménage d'un certain Makope Proté, Siza Nyagasasa, sur cette même colline, a été attaqué à 19h passées de quelques minutes ce samedi. Certains parmi ceux qui se sont rendus sur le lieu du crime ce dimanche matin disent que l'attaque visait une fille de Makope et après l'avoir tuée, les assaillants se sont volatilisés dans la nature. La patrouille